Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Peut-être avez-vous peur du vide, des serpents. La peur est une émotion naturelle ressentie par l'homme et plus généralement par les animaux. Elle permet de réagir rapidement et fuir face à une situation dangereuse ou à une menace. Mais quelle est la limite entre la peur et la phobie? Qu'est-ce qui différencie la peur utile à notre survie des peurs incontrôlables et irraisonnées? Alors, nous retrouvons Adèle Mazurek pour parler des mécanismes qui se cachent derrière les peurs et les phobies. Bonjour Adèle. Bonjour François. Alors Adèle, la peur est une émotion commune à tous les êtres humains. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a peur? D'un point de vue physiologique, la peur chez l'homme se manifeste de plusieurs manières. D'abord, nos pupilles vont se dilater pour capter un maximum de lumière. Notre respiration va s'accélérer, notre cœur va battre plus vite. Ben là, je t'apprends rien. En général, on a déjà tous vécu un petit peu ça. Et en réalité, notre organisme est tout en œuvre pour être prêt à alimenter nos muscles en oxygène pour anticiper la fuite. D'ailleurs, c'est pour cela que notre visage va pâlir, parce que les muscles des jambes vont être irrigués en priorité. Alors, on a aussi la digestion qui va ralentir, on va beaucoup transpirer. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle les sueurs froides. Et puis, le foie, lui, va se mettre à produire beaucoup de sucre pour alimenter nos muscles en énergie. Donc, le sang s'en va vers nos muscles, effectivement, pour prévoir une fuite, c'est ça? C'est ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer que toutes ces modifications... Comment peut-on expliquer que toutes ces modifications au sein de notre organisme ont lieu, en fait? C'est au niveau de notre cerveau que tout se joue, notamment au niveau des amygdales. Alors, les amygdales, pas celles qui se trouvent dans notre pharynx, hein, mais celles de pas notre... celles dans la gorge, c'est Non, celles dans notre tête. Donc, ce sont des petites structures qui sont essentielles pour percevoir les émotions. Alors, on va imaginer qu'on est tranquillement installé dans notre fauteuil à écouter Futur Simple, quand tout à coup, on va entendre un gros bruit dans notre cuisine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors d'abord, le son va parvenir à nos oreilles, puis le signal va être transmis au thalamus. Alors, le thalamus, il a un rôle de relais. Il va donc transmettre l'information aux amygdales qui vont faire naître une réaction émotionnelle. Dans notre cas, ça va être la peur. Ensuite, des glandes situées au-dessus de nos reins vont recevoir l'information « Attention, il y a une situation anormale ». On ne sait pas encore laquelle, mais ça a l'air dangereux. Donc, ils vont envoyer une grosse décharge d'hormones dans le sang, l'adrénaline, qui va être responsable des modifications que j'ai décrites tout à l'heure. Alors, tous ces processus-là que j'ai décrits, c'est ce qu'on appelle la route courte. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de nous préparer très rapidement face à une menace. Ok, donc c'est la route courte et rapide aussi, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Alors, tous les sens peuvent nous avertir d'un danger. J'ai donné l'exemple du bruit, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on va apercevoir, comme un ours pendant une randonnée, mais aussi quelque chose qu'on peut sentir, l'odeur de brûlé, par exemple. Ouais, c'est un fait. On entend ce bruit dans la cuisine, mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il faut fuir? Le sentiment de peur, est-ce qu'il va s'atténuer? Alors, en parallèle de cette route courte qu'on appelle en fait thalamo-amygdalienne, alors ça semble compliqué, mais c'est juste pour dire que l'information circule du thalamus aux amygdales. Le stimulus sensoriel qui évoque la présence d'un danger, dans notre cas le bruit, va être pris en charge par une route plus longue. Et donc un peu moins rapide, la thalamo-cortico-amygdalienne. Alors ce nom compliqué juste pour dire que l'information va transiter par le cortex préfrontal. C'est le siège de la réflexion. Et ce cortex préfrontal va préciser si finalement ce stimulus il est menaçant ou si il n'y a pas lieu finalement de s'inquiéter. Donc c'est là qu'il va y avoir un jugement finalement. C'est ça, c'est un jugement. Donc par exemple là il va nous dire oui en effet il y a un cambrioleur. Donc cette fois-ci on va fuir ou se mettre à l'abri selon la situation. En revanche si notre cortex préfrontal nous dit non en fait c'est notre chat qui a fait tomber un vase, ben là il va calmer le jeu et puis le sentiment de peur va disparaître petit à petit. Okay. Alors évidemment, ces routes courtes et ces routes longues, ça se déroule très très rapidement, on n'en est pas conscient, mais c'est ce qui permet un peu de réagir très rapidement à une situation qu'on n'attendait pas. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui arrive chez les personnes qui ont des phobies? Est-ce que ce système est défaillant ou... En quelque sorte, oui. La peur chez les personnes phobiques n'est plus une émotion qui nous permet de nous avertir du danger. Elle devient en fait incontrôlée et elle peut aboutir à des paniques alors qu'il n'y a aucun danger pour la personne. Okay. Si par exemple, moi je vois une araignée dans une boîte, même si je n'aime pas ça et quand j'ai un petit peu peur de ça, je ne vais pas développer sentiment de peur parce que je sais qu'il n'y a aucun danger, elle ne va pas sortir de sa boîte. Tu vas le rationaliser, c'est ça? C'est ça. Alors qu'une une personne arachnophobe, elle va quand même avoir peur et de façon disproportionnée. Alors ces personnes-là, en plus d'avoir les amygdales, donc c'est le centre de nos émotions, qui sont hypersensibles, ces personnes atteintes de phobie ne sont plus capables de se raisonner. Donc pour résumer, finalement, c'est la route courte qui va être empruntée en priorité par rapport à la route longue. Donc il va y avoir tout de suite un sentiment de peur, mais pas forcément la réflexion qui va derrière. Et quels sont les différents types de phobies que l'on retrouve chez les gens? La plus handicapante est probablement la phobie sociale. Donc, les personnes ont peur d'être observées, jugées par les autres. Oui. Alors, ça devient très handicapant parce qu'elles peuvent avoir peur de prendre la parole dans un groupe. Par exemple, chez les enfants, ils vont avoir peur d'aller à l'école. On en parle un peu plus souvent, ça, de la phobie scolaire. Et ça peut amener à de graves problèmes d'isolement. Il y a une autre sorte de phobie, c'est l'agoraphobie. Donc là, les personnes ont peur de se retrouver dans des endroits confinés où elles ne pourront plus sortir. Donc elles vont éviter de prendre le métro, éviter d'aller dans les centres commerciaux, de faire des files d'attente. Donc c'est aussi un petit peu handicapant. Et puis enfin, il y a les phobies simples ou spécifiques qu'on connaît un petit peu plus. Tout à l'heure, je parlais des araignées. Ça peut être dirigé vers un objet, vers d'autres animaux, mais aussi vers des situations, avoir la peur du vide ou des choses comme ça. De l'avion, ouais. De l'avion. Alors finalement, si tu cherches sur Internet, tu vas avoir un peu toutes les sortes de phobies. Il suffit d'ajouter le suffixe phobie à la fin du mot. Je vais quand même partager des choses assez étonnantes. Moi, j'ai trouvé la basaphobie, c'est la peur de marcher. On se demande comment les gens font pour vivre. Ouais. La phobophobie, c'est la peur d'avoir peur. La coulrophobie, c'est la peur des clowns. Alors là, je pourrais t'en citer encore des centaines comme ça. Je sais pas si ça existe vraiment. Mais celle que j'ai trouvée la plus drôle, c'est la paraskevidekatriaphobie. C'est la peur du vendredi 13. Ah bon? Qui a eu lieu la semaine passée? Personne a sa phobie, mais de façon graduelle. Ça peut être soit juste en y pensant. Donc, pendant une séance, la personne va parler à son psychothérapeute. Ou alors en immergeant la personne dans un monde virtuel. Donc, on va la mettre dans la situation. Et donc, la personne phobique va apprendre à maîtriser ses émotions petit à petit. C'est un peu là-dessus que s'appuient les stages, notamment, qu'il existe quand on a peur de l'avion. Il y a des stages maintenant pour essayer de combattre cette peur-là. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il peut y avoir des médicaments aussi? Oui, alors il y a aussi l'hypnothérapie qui est utilisée, j'en sais pas beaucoup plus là-dessus. Les médicaments, les anxiolytiques et les antidépresseurs peuvent être utilisés, mais il faut savoir que ça ne va pas faire disparaître la phobie, ça ne guérit pas. Par contre, par exemple, dans mon exemple pour prendre l'avion, quand on a la phobie de l'avion et qu'on est obligé de le prendre, les médicaments peuvent être utilisés. Ouais, c'est un fait. Et puis, plus spécifiquement, ils sont utilisés pour les phobies sociales parce que c'est souvent associé à des comportements dépressifs. Donc, dans ce cas-là, on utilise les médicaments. D'accord. Est-ce que tu as des phobies, toi, Adèle? Non, j'ai des peurs, peut-être pour les araignées ou des choses comme ça, mais peut-être pas de la phobie non plus. Non, moi non plus, j'ai peur un peu de l'avion, mais je suis pas une phobie, là, je m'empêche pas de le prendre pour autant. Alors, merci infiniment pour cette intéressante chronique, Adèle. Merci, François. On va passer au mot de la fin.